Et mon gars, pour me parler comme ça, je pas ton pote, moi, tu lui cassais les deux bras. On s'est vu il y a quelques jours, tu t'as pété avec tes potes. Tu crois être un boss ou un ouf, mais moi mon gars, je t'arrache les couilles. Avec une piche net Stallone, je suis tellement dirigé en impro, pas besoin de ramener un trop. N'oublie pas, j'appelle une grise, était sous mon nom. Hein, je regarde vers le ciel pendant que toi, tu regardes vers l'enfer. Et je lève les paumes vers les cieux pendant que toi, tu baisses tes yeux. Hein, ça c'est du son de la banlieue sale, ça vaut une grille gangsta. Tu vas pas tester mon freestyle, car à 5 ans j'ai pris le mic. Toi, le mic, t'es sniffon. Quand tu rappes, ça sature toute la journée, le studio raccroche. Ton son est trop naze et tu gagnes pas une thune. Pour ça que t'as ses fans. Hein, tu les as achetés où que j'y aille jamais. Parce que là, franchement, c'est quel style. Le style de ta mère ou celui de ma grand-mère. T'es qu'un bouffon. La dernière fois que je t'ai vu, c'était près d'un bar. On traînait avec des potes, et t'as vu, c'est un bouffon. Man, t'as pompé ce mec comme tu pompes sur mes pattes. Alors laisse-moi, va faire péter le boule. T'es pas le mec, genre vénère, ça marche pas avec moi. Je suis pas comme tous ces dettes, ils sont des potes. Fallait pas le dire, excuse-moi. Vas-y, j'en ai marre, parle de ta gueule. De toute façon, on t'a demandé l'heure. Parce que là, il est trop tard, tu vas me faire chier. Parce que tu te fais balance à ta mère. Rentre vite à la maison ou tu seras privé de sortie. Hein, comme quand t'es en prison. Mais t'y es jamais allé parce que tu viens pas d'ici. Pour ta gueule petite merde, tu me feras jamais peur. N'oublie pas, je suis angry et je n'ai pas de cœur. Alors casse-toi, va niquer ta mère. Ne viens pas me tester, ou ta plaque en main on sera vite gravé. Si tu viens encore m'emmerder, je te cache pas, toute cher, tu vas te payer. T'es qu'un bouffon, t'es qu'un bolos. Tu fais le fou, mais t'as pas ce qu'il faut. Tu vis grâce à tes allocations, mec. Doracel veut faire la maligne. N'oublie pas à qui t'as affaire. Tu fais face à Ingris, tu vas manger mes lyrics de fer. Prépare-toi à avoir mal au cul. Parce que moi, avec mes rimes, je t'encule. Fais pas le grand, t'es qu'un casso. Je t'appelle, t'es tellement déformé. On dirait un tableau Picasso. Tiens, c'est bon, prends mon épaule pour pleurer. Remarque que j'ai du monde derrière moi. Donc ta gueule petite chatte va te mettre un doigt. 1, 2, 3 je te baise et à 4 nique ta mère. T'es qu'une petite pute, tu fais le riche mais t'as pas une thune. Arrête de faire la folle petit con, tu n'es qu'une fiole. Un jour va falloir que tu comprennes qu'avec moi t'auras plein de problèmes. Que ça soit près de chez toi ou alors près de chez moi. Quoi que tu fasses ou que t'ailles, on te retrouvera et on te baisera. Ingris, ne viens pas me tester. C'est du son de la banlieue sale, c'est du son de Green Gangsta, le style certifié ZER.